Cependant, de gros nuages effleuraient de leurs volutes la cime des ormes, en face. Rosanette avait peur de la pluie. « J'ai des riflards, » dit Frédéric, « et tout ce qu'il faut pour se distraire, » ajouta-t-il en soulevant le coffre où il y avait des provisions de bouille dans un panier. « Bravo, nous nous comprenons. Et on se comprendra encore mieux, n'est-ce pas ?»« Cela se pourrait, » fit-elle en rougissant. Les jockeys, en casaque de soie, tâchaient d'aligner leurs chevaux et les retenaient à deux mains. Quelqu'un abaissa un drapeau rouge. Alors, tous les cinq, se penchant sur les crinières, partirent. Ils restèrent d'abord serrés à une seule masse. Bientôt, elle s'allongea, se coupa. Celui qui portait la casaque jaune, au milieu du premier tour, faillit tomber. Longtemps, il y eut de l'incertitude entre Philly et Tibby. Puis Tom Pouce parut en tête. Mais Clubstick, en arrière depuis le départ, les rejoignit et arriva premier, battant Sir Charles de deux longueurs. Ce fut une surprise. On criait. Les baraques de planches vibraient sous les trépignements. « Nous nous amusons, » dit la maréchale. « Je t'aime, mon chéri. » Frédéric ne douta plus de son bonheur. Ce dernier mot de Rosanette le confirmait. À 100 pas de lui, dans un cabriolet Milord, une dame parut. Elle se penchait en dehors de la portière, puis se renfonçait vivement. Cela recommença plusieurs fois. Frédéric ne pouvait distinguer sa figure. Un soupçon le saisit. Il lui sembla que c'était Madame Arnoux. Impossible, cependant. Pourquoi serait-elle venue? Il descendit de voiture, sous prétexte de flâner au pesage. « Vous n'êtes guère galant, » dit Rosanette. Il n'écouta rien et s'avança. Le Milord, tournant en bride, se mit au trot. Frédéric, au même moment, fut happé par Sizi. « Bonjour, cher, comment allez-vous? Husson est là-bas. Écoutez donc. » Frédéric tâchait de se dégager pour rejoindre le Milord. La maréchale lui faisait signe de retourner près d'elle. Sizi l'aperçut et voulut obstinément lui dire bonjour.